Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture aujourd'hui. Je reçois une invitée, il me tenait beaucoup à cœur de la recevoir. Je reçois Isabelle Flatten. Bonjour Isabelle. Bonjour Sarah, merci beaucoup de m'accueillir. Ah, c'est un vrai plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire une grosse partie de l'émission qui te sera consacrée. Sur ton parcours d'écrivain et d'auteur. Je vous ferai découvrir une librairie atypique qui se situe à Paris, la librairie Cagliani. Et puis, on terminera donc l'émission avec mes petits coups de cœur de la semaine. Alors, tout de suite, Isabelle, on commence avec toi. Alors, je vais te poser quelques questions qui demandent une petite réponse, voilà, parce que j'ai lu pas mal de bouquins, donc j'ai des petites questions à te poser. Et puis, qu'on puisse faire partager aux auditeurs aussi et te faire connaître à ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es prête ? On y va. Alors, on y va. Comment t'es venue l'envie d'écrire les romans ? Alors oui, comme la plupart des auteurs, je vais répondre là, mais c'est la vérité, j'écris depuis toujours. Mais d'accord. Vraiment depuis toujours, quand j'étais gosse, j'écrivais déjà, j'inventais, je changeais la fin de certains romans que je venais de lire. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai absolument jamais pensé à en faire un métier. Comme d'autres dessinent, j'étais un écrivain du dimanche, comme on c'était dit. C'était un loisir parmi absolument, d'autres. Absolument, absolument. Okay. Voilà, d'accord. C'était... Et donc, vers quel moment tu t'es dit que tu allais en faire un métier ? Et j'ai toujours aussi énormément lu. Mm-hmm. Et puis, soudain, vers 50 ans, donc, je me suis réveillée, comme quoi. Avec ce sentiment profond d'être passée à côté de l'essentiel, pour moi, qui était vraiment ma passion, en fait. C'est-à-dire lire et écrire. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien à perdre. Et je me suis lancée et c'est parti. Oh, c'est génial. Et voilà. Du coup, sans regret aujourd'hui ? Aucun. Parce que tu t'épanouis en plus à travers J'ai même pas de mots pour qualifier cette aventure-là qui m'est offerte. Oh, c'est génial. Super. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours d'auteur ? Alors, on a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche ou un roman que tu as commencé en te disant que ce serait une super idée et puis au final... Il ne s'est rien passé, voilà. Bien sûr, il y a quelques déchets, bien sûr, dans l'écriture. Il y a parfois des textes dans lesquels je me lance et puis au bout de quelques pages, où ça dépend, 10, 50, oui. Je m'aperçois que ça ne fonctionne absolument pas, qu'il n'y a pas de cohésion entre le fond et la forme, ou alors que mon propos n'a pas vraiment de sens, enfin, je n'en suis pas satisfaite. Donc, il m'arrive effectivement d'abandonner des textes. Il y en a certains aussi qui me sont refusés par les éditeurs. D'accord. Enfin, c'est plus tout à fait vrai, mais il y en a eu. Et à juste titre, je dirais. Voilà. Alors, une troisième question avant la petite pause musicale. Tu as écrit 7 romans à ce jour, je crois, si oui, je ne me trompe pas. Et des nouvelles. Et des nouvelles. Moi, j'étais surtout axée sur les romans, oui. Dont un qui a été primé par le prix Herkman Chatrian en 2019 pour ton roman Adelph. Alors, moi, j'avais une question, c'est-à-dire quand on se retrouve primé comme ça, ça fait quel effet ? Parce que, en fait, de tout à l'heure, tu nous dis, moi, je vis un rêve éveillé quelque part, je suis super contente et d'un seul coup, tu te retrouves avec un prix, avec quand même une très grande notoriété. Ça fait quoi ? À ton avis. C'était vraiment... Déjà, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'était une énorme surprise. D'accord. Et en aucun cas, j'écris pour obtenir des prix. Mais a posteriori, je me suis aperçue que je me sentais quand même un peu légitimée en tant qu'écrivain. C'est une forme de reconnaissance. Et vraiment, c'est vrai que ce prix, je l'ai vécu comme un réel encouragement à continuer, en fait. Ça m'a donc donné un élan supplémentaire. On fait tout de suite une petite pause musicale et on revient avec toi, Isabelle. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. Times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. But if you don't, dear, confess and please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Caprice de lecture sur Fadjet. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en compagnie d'Isabelle Flatten, que je soumets à un questionnaire dans les règles sur son parcours d'écrivain. Alors Isabelle, j'avais une autre question pour toi. Comment te viennent tes idées de romans ? Parce que moi j'ai lu 3 romans de toi et à chaque fois on est dans des registres qui n'ont absolument rien à voir, que ce soit dans le thème choisi ou dans la construction narrative. Donc c'est toujours à chaque fois une surprise quand on ouvre un nouveau roman, on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière, donc c'est super chouette. Moi j'aime bien cette partie de mystère. Comment tu fais ? Alors déjà, je ne sais pas trop d'où partent mes romans. En fait, ça part de rien, j'ai envie de dire, de pas grand-chose en tous les cas. Une idée ou un thème que j'ai envie de développer, ou quelque D'accord. chose que j'ai entendu, ou des sujets qui me tiennent à cœur, comme on en a tous. Mais effectivement, le fait que ce soit un petit peu... diversifié, que mes romans ne se ressemblent pas. À chaque livre, je me lance un nouveau défi, parce que ça m'amuse, parce que D'accord. ça m'intéresse, parce que j'aime les défis. Donc, que ce soit dans la forme ou dans le fond, voilà, j'essaye d'expérimenter quelque chose de nouveau à chaque livre. Ceci expliquant pourquoi ils sont... D'accord, voilà. Parce que c'est très... Donc, dans Adelphes, le défi d'Adelphes, pour moi, oui. c'était de l'inscrire dans un contexte historique, alors que je ne suis absolument pas historienne. La folie de ma mère, c'était mon premier roman texte, c'est le 10e autobiographique. Donc, la première fois que j'utilisais la première personne du singulier dans les autres, enfin, à chaque fois, voilà. Ok, parce que la folie de ma mère et Adelphes, c'est vraiment deux mondes différents. Oui. Pour ceux qui connaissent. Et dans La folie de ma mère, donc tu as répondu à ma question, ça a une Pardon. Partie autobiographique. C'est un matériau totalement autobiographique. D'accord. Voilà, c'est très surprenant. Oui. Voilà, oui. Il est très surprenant, mais en même temps très touchant. Merci. Voilà, oui, très très touchant. Alors moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps Chagrin d'argent, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en bibliothèque. Et Chagrin d'argent, alors pareil, totale surprise, parce qu'on a des espèces de poupées gigognes qui sortent les unes derrière les autres. Et puis à un moment, elles reviennent les unes dans l'autre, parce qu'en fait, la boucle est bouclée. Alors, et tous ces personnages-là, est-ce qu'ils ont... alors, est-ce que c'est autobiographique, des gens que tu as rencontrés, des gens que tu as inventés ? Pas du tout, pas du tout. Tout est totalement inventé. D'accord. Et alors, le défi de ce livre, déjà, c'est un sujet pas très sexy, entre guillemets. C'est-à-dire que l'argent, d'un point de vue romanesque, c'est pas très attirant. Non. Mais pour moi, ça reste un tabou pour beaucoup de gens. Et puis... l'enjeu, je crois que les rapports que l'on a chacun avec l'argent est quand même très édifiant et j'avais envie de l'explorer. Donc, par exemple, je ne sais pas, en cas de séparation, on dit bien « je vais lui faire payer ». Oui, alors, voilà, exact. Etc. Donc, j'ai pris le risque de faire effectivement un livre sur ce thème pas très... voilà, l'argent. Mais c'est une belle et réussite. Et la forme... c'est là où était le défi, c'est-à-dire que j'ai fait un roman par nouvelle. C'est-à-dire que chaque nouvelle répond à la précédente, c'est-à-dire forme une boucle. D'accord. Les personnages qu'on a trouvés dans la première nouvelle, on les trouve en miroir. Oui. Et donc, elles ont toutes un lien entre elles. Et c'était ça. Donc, s'il fallait vraiment le qualifier, je dirais que c'est un roman par nouvelle. D'accord. Voilà. OK. Quel plus beau compliment on a pu te faire pour ta carrière ? En général, c'est quand on me dit que l'écriture est belle et qu'elle est juste. Et bien évidemment, c'est je crois ce que enfin, tout écrivain tend à ça, avoir le travail de l'écriture en lui-même, qui est quand même l'essentiel du travail d'écrivain. C'est pas le propos, tout, si, pour prendre un raccourci, tout a déjà été dit et tout le monde s'est raconté. Mais entre raconter et écrire, il y a le travail du technicien, entre guillemets, de l'écrivain. Et c'est quand on me dit que l'écriture est belle, juste que là, je suis très heureuse, évidemment. Ok. As-tu un projet de roman à venir? Ce sera ma dernière question, Isabelle. Oui, alors là, c'est un... Oui, le prochain paraîtra le 7 janvier. D'accord. Aux éditions Le Nouvel Attila. Ok. Et le titre sera Triste Boomer. Ok, merci. Voilà. Comme ça, je vais m'empresser d'aller l'acheter. Merci à toi, Sarah. Merci à toi, Isabelle. On se quitte pour une courte pause musicale et nous revenons avec une librairie atypique juste après. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission où j'avais très envie de vous faire découvrir aujourd'hui la librairie Cagliani qui se trouve 224 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement à Paris. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de cette librairie? Parce que c'est la première librairie anglaise qui existe à Paris et qui a été conçue il y a très très longtemps parce qu'elle date de 1520. C'est la famille Cagliani donc, qui a décidé de s'expatrier de Venise pour venir en France parce que c'était une famille d'imprimeurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette librairie ? On trouve un mobilier en bois, on entend le parquet qui craque quand on marche dans la librairie. Et où j'ai eu un vrai coup de cœur que je voulais vraiment vous faire partager, c'est la verrière au plafond. Qui, comme hier par exemple, il faisait très très beau donc dans le centre parisien, qui vient faire des reflets sur les étagères de livres et ça sent un petit peu la cire avec laquelle on astique le bois. Dans cette librairie, on trouve alors de la littérature anglaise, de la littérature française, on trouve tous les types de littérature, sciences humaines, polar, roman, francophone ou pas. Je vous conseille d'y aller car coincé entre la pâtisserie Angelina et tous les petits marchands de minuscules Tour Eiffel, je vous invite à y aller. C'est une vraie poche de paix, de calme et de choix pour vos futures lectures. Donc la librairie Cagliani qui se trouve 224 rue de Rivoli. Vous pouvez également aller sur le site internet librairiecagliani.com. On se retrouve juste après pour mes coups de cœur littéraires de cette semaine. I put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. Better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. Spell on you because you're mine. You're mine. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour sur Caprice de lecture, où je vais vous faire part aujourd'hui de deux caprices qui vous donneront des idées de lecture et pourquoi pas les lire directement. Donc le premier, c'est Chambre froide de David Koepp, qui est notamment connu pour son travail dans des grosses productions américaines, genre Jurassic Park et Spider-Man. Donc il s'était lancé dans l'écriture avec ce titre, qui est édité aux éditions HarperCollins Poche. Donc l'histoire c'est quoi ? En 1987, on a des déchets qu'on suppose nucléaires qui sont enfouis dans un sous-sol d'un bunker, à double tour, où il est écrit dessus qu'il ne faut surtout pas rentrer, où il ne faut pas aller. Le temps passe, 2019 arrive, et là, qu'est-ce qui se passe ? On a bien évidemment... Donc, ce bunker a été transformé en parking souterrain. Et dans ce parking souterrain, il y a des espaces qui ont été perforés pour creuser encore plus profond. Et là, on libère une bactérie qui se propage. C'est-à-dire, dès qu'elle touche la peau, elle détruit les personnes. On est vraiment dans un truc un peu glauque. Moi, je l'avais lu en plein milieu de la crise sanitaire. Donc, c'était pas franchement drôle. Je l'avais pas présenté jusqu'à maintenant parce que, bon, présenter ça en pleine période de crise sanitaire, c'est un peu moyen. Alors, pourquoi je le conseille ? Parce que, alors, il y a du suspense, bien sûr. On a plusieurs personnages autour et quel que soit l'âge, avec chacun, on va dire, une bonne raison pour pouvoir rentrer impérativement dans ce bunker. Vous avez un braqueur, vous avez un voleur, vous avez le gardien de ce parking souterrain qui entend parler de tout ça, et puis un justicier. Bon, c'est de la grosse production américaine, c'est pas mal fait. Si on a envie un petit peu de se stresser encore plus avec des histoires bactériologiques ou microbiologiques, je vous invite à le lire. Dans un tout autre registre, Leslie Kera pour La Rumeur, édité aux éditions 10-18. Alors La Rumeur, c'est quoi ? C'est un thriller psychologique où on a une jeune femme qui arrive dans un tout petit village en Angleterre avec son fils. Elle est un petit peu mise à la marge parce qu'elle ne vit pas avec son compagnon, qui est un compagnon de couleur. Et dans ce tout petit village, ça fait un peu bizarre. Et puis, elle aime bien aller surfer sur Internet. Et puis, d'un seul coup, elle voit qu'une petite fille, donc qui a 20 ans, avait tué un enfant quand elle avait 10 ans, donc cette petite fille, et que maintenant qu'elle est adulte, elle vivrait dans ce village, mais personne ne sait qui c'est. Bon, donc là, on est en plein état de suspense et on se dit, mais c'est qui ? Donc on court après tout le livre pour savoir qui c'est, je ne dévoile pas la fin. La construction est telle qu'en fait, c'est un peu comme ton livre, Isabelle, Chagrin d'argent. On a des poupées gigognes qui sortent, et puis au bout d'un moment, hop, elles reviennent toutes comme ça, et la boucle est bouclée. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est comment se construit une rumeur, comment elle se développe, comment chacun répète ce qu'il n'a pas forcément vu ou entendu, et quand il ne le répète surtout pas correctement, et surtout pas dans le bon contexte. Donc très intéressant d'un point de vue écriture, on sera beaucoup moins soutenu sur la partie angoisse ou sur la partie suspense. Caprice de lecture s'achève maintenant. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à réagir sur le site de la radio Fadjet ou sur le site internet capricedelecture.fr. Belle lecture et à très bientôt. Au revoir.